Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Cette émission sera entièrement consacrée à Alain Lebussy, auteur belge de science-fiction, de fantastique et de fantasy, qui nous a quittés à la mi-octobre, des suites d'une opération. Alain est né en 1947. Voici ce que nous dit Wikipédia à son sujet. Accroché par la SF dès son plus jeune âge, il participe dès 1960 à la publication du journal Conjuncte, ensemble en latin, au collège jésuite, où il a commencé ses études secondaires. Il y publiera son premier article sur la SF en 1961. Il publiera ensuite sa première nouvelle dans le journal de la Maison des Jeunes des Sneux. Entré à l'Université de Liège, il poursuit sa carrière littéraire dans le bulletin interfacultaire où paraîtront d'autres nouvelles et son premier roman. Dès 1970, il crée le fanzine Swansea, anagramme des Sneux, tout en continuant confidentiellement son œuvre de création. Mais il ne commencera à être publié qu'au début des années 1990 au Fleuve Noir. Très prolixe, il est surnommé l'homme qui écrit plus vite que son ombre. Il est également l'organisateur de diverses conventions de science-fiction. Élu Best European Author à la Convention européenne Eurocon de SF de Glasgow en 1995 et auteur de l'introduction de l'anthologie Simia, publiée par les éditions L'œil du Sphinx en 2005. Il a publié de nombreux romans dans les années 1990 chez Fleuve Noir Anticipation, dont plusieurs ont été repris chez Eon au cours des dernières années. Parmi ceux-ci, trois cycles distincts, le cycle d'Aqualia, le cycle de Yorg et le cycle de Chatinica. Tremblemère, deuxième titre d'Aqualia, paru au FNA en 1993, débute ainsi. La dévoreuse était agitée par un vent de tempête qui creusait d'éphémères vallées et en faisait surgir mille montagnes aux crêtes d'un blanc trouble. Parfois, l'amplitude du mouvement découvrait la tache verte qui formait un tapis encore accroché au fond rocheux car, comme presque partout, l'océan était peu profond. Quand le vent se calmerait, la récolte serait bonne car la végétation sous-marine souffrait de cette agitation. Et plus d'un immense arbre de la forêt aquatique serait arraché pour venir flotter à la surface. Mais à bord de l'extase, si l'on notait tout cela, personne ne se préparait à la récolte. À cette récolte-là, tout au moins. D'autres navires s'en chargeraient. La plateforme se trouvait trop haut sur l'air pour être atteinte par la tempête. Des heures plus tôt, le navigateur avait déterminé un cap et l'engin s'était élevé à la recherche d'un vent favorable qu'on avait fini par trouver à plus de 4000 mètres. C'était presque la limite au-delà de laquelle les navires ne montaient jamais. L'air y était trop léger, disait-on. Et c'est vrai que si quelqu'un se hasardait à courir d'un bout à l'autre du pont, il devait s'arrêter, essouffler, après deux ou trois longueurs seulement. Puis vint le cycle de Yorg en 1995, le cycle de l'auteur que je préfère. J'ai dévoré les premiers volumes de ce cycle avant même qu'il soit publié chez Fleuve Noir. Alain avait, en effet, publié les premiers volumes en micro-tirage que j'avais acheté et j'étais littéralement tombé sous le charme. Yorg de Lille est le premier de cette série. Série disponible chez Eon à www.eon.fr. Yorg marchait en éclaireur quelques centaines de pas devant la tribu. Celle-ci s'était mise en route depuis 6 jours maintenant. Ou depuis plusieurs semaines, en fait, car ils n'avaient fait qu'une halte d'un peu plus d'une lune dans la vallée tranquille et fertile qu'ils avaient fini par atteindre après leur fuite. Des semaines d'une course effrénée avec la menace permanente des longs cheveux sur leurs talons. Ceux-ci aussi devaient être fatigués et avoir envie de s'installer quelque part, surtout avec l'arrivée du mauvais temps, pensaient-ils tous. Et c'était vrai que durant quelques jours, ils avaient pu espérer. On n'avait pas entendu le galop de leurs chevaux, ni leurs cris sauvages dans les bois. Cela n'avait été, hélas, qu'un court répit. Les longs cheveux avaient fait leur réapparition alors que la tribu commençait à peine à se remettre de ses fatigues. Le cycle de Chatinica est aussi sorti chez Fleuve Noir de 1995 à 1999. Il ne s'agit pas de science-fiction ici, comme pour les deux premiers, mais de fantaisie. Le premier tome, intitulé « Chatinica », commence ainsi. Dehors, le vent soufflait avec rage. Il était glacé, plein de la froidure des plaines orientales, et son ululement vous forçait à parler très haut, sans pouvoir être compris au-delà de trois pas. Le froid de l'hiver perçait les épais murs du château, s'insinuant par les fenêtres pourtant obturées de lourdes tapisseries. Les moins frileux se couvraient de grosses pelisses et se serraient autour des feux, où les serviteurs jetaient les bûches par brassées entières. Les frileux ne quittaient que pour quelques instants leur lit, où ils disparaissaient sous un amas de couvertures. Même Nial-A, qui venait pourtant des montagnes orientales et savait ce qu'était un véritable hiver, ne pouvait négliger ce froid. Cependant, il s'efforçait de ne pas le manifester trop ouvertement pour pouvoir continuer à toiser de son regard vaguement méprisant d'homme vrai les courtisans qui se massaient dans la grande salle, l'une des rares pièces du château, avec les appartements royaux et les cuisines, à connaître à l'avantage d'un âtre régulièrement alimenté. Ce n'étaient pour la plupart que des nobliaux sans gloire propre, seulement celle de leurs parents ou d'ancêtres plus éloignés, ou encore des marchands et des prêtres. À travers les titres composant ces différents cycles, Alain a publié nombre de romans individuels, formant un tout en eux-mêmes. Équilibre, paru en 1997 chez Fleuve Noir, est un de ceux-là. La planète n'offrait aucun intérêt particulier. Elle n'était même que marginalement habitable. Mais, même marginalement, c'était le seul point de l'espace à des dizaines d'années-lumière où l'homme pouvait vivre à l'air libre. Le seul point aussi où il avait le droit de se trouver. Et le devoir de se trouver. Sa marginalité ne résidait pas dans la composition de l'atmosphère ou dans l'apesanteur qu'on y ressentait. Pas même dans les températures, tout au moins à une certaine latitude, ou dans le climat qui pouvait être considéré en ces endroits comme tempéré ou méditerranéen. Le problème, c'était que les endroits en question étaient rares. Les océans occupaient plus de 90% de la surface et le reste était soit marécageux, soit constitué de zones d'un volcanisme actif où nul n'aurait songé à faire de lourds investissements pour installer une colonie permanente. Il y avait aussi quelques pics montagneux, lieux idéaux pour installer des observatoires ou des stations de sport d'hiver, s'il y avait eu une véritable clientèle et de la neige en suffisance. Alain a également écrit de très nombreuses nouvelles qui ont été publiées tant au Canada qu'en Europe. Je l'ai publié jadis à quelques reprises dans Tantôt. Il s'est mérité deux fois le prix 7e continent de la meilleure nouvelle pour ses parutions dans la revue Imagine et a reçu une mention spéciale au prix UPC en 2008. Vous retrouverez quelques-unes de ses nouvelles chez Éon. Quelques autres sont disponibles gratuitement sur le web. Par exemple, le Ramon de la Maracle à renoud.perso.9.fr/auteur/lebusram.html. Le Palais des Monstres à renoud.perso.9.fr/auteur/lebusmon.html et à jplanque.pageperso-orange.fr/lepalais.htm. Destin à jplanque.pageperso-orange.fr/destin.htm. Les Feuilleuses Mortes à jplanque.pageperso-orange.fr/effeuillesmortes.htm. Et en version audio, il a la dent à l'avenirshorts.canalblog.com et l'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir à audiocité.net/ livre audio gratuit science-fiction, tous séparés par les traits d'union, /, Alain Lebussy, l'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir, .html, tous séparés par des traits d'union. Tu nous manqueras, Alain. Merci de votre attention. À bientôt.